Voici Histoire vivante, très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Pour la première fois, ils viennent de mettre la main sur un des banquiers de la mafia. Cette semaine, Cosa Nostra. Sur un des mystérieux professionnels du recyclage de l'argent sale. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. Ce sont en tout 18 mafiosi qui, d'après les magistrats de Caltanissetta, ont participé à l'attentat contre le juge Giovanni Falcone. À 10h pile, Giulio Andreotti est entré dans la salle du tribunal Bunker, cette salle blindée qui avait été aménagée à l'intérieur de la prison de Palerme pour y célébrer le maxi procès contre la mafia. Si je trahis cette organisation, que ma chair brûle comme cette image. Présenté en juin dernier au Festival de Cannes dans la sélection officielle, le nouveau film du vétéran Marco Bellocchio, Le Traître, Il Traditore. L'histoire d'un homme de la mafia, Tommaso Buscetta, devenu le plus célèbre des repentis et à l'origine du maxi-procès qui s'est tenu en Sicile, à Palerme, de février 86 à décembre 87. Retour sur ces événements. Le palais de justice de Palerme est à deux pas du centre historique de la ville, Piazza Vittorio Emanuele Orlando. Une structure incertaine quant au goût, faite d'un amalgame de béton et de marbre auquel l'architecte a dû se résoudre pour remplir toutes les conditions du cahier des charges. Un blindage complet de tout l'édifice. En cette fin du mois de mars 1984, près de 3 ans après le début de la guerre des familles, cet immeuble, dont la forme initiale fait penser à un bunker géant, a plus que jamais l'air d'une citadelle assiégée. Deux plans inclinés ont été coulés sur les marches latérales du palais afin de permettre l'accès direct aux voitures blindées où s'entassent juges d'instruction et carabiniers chargés de les protéger. Hier encore, l'entrée du bâtiment était libre. On a décidé d'interdire à tout véhicule de parquer désormais aux alentours. Dans le hall central du palais de justice, les jours de semaine, entre 9h et 13h, c'est la foire à la mafia. C'est ici que se retrouvent ceux des hommes d'honneur qui peuvent encore se montrer, et leurs avocats. Les délégations des familles légales, des hommes d'honneur, sont également présentes de temps à autre. Ce sont généralement de petites vieilles, toutes de noir vêtues, accompagnées de paysans taciturnes. Dans le couloir qui encercle le hall, sur la gauche, une dizaine de jeunes gens montent la garde devant les bureaux des juges d'instruction. Ils ont en moyenne 25 ans. Ils sont pour la plupart des carabiniers, armés tous du .357 Magnum logé dans le holster qu'ils portent sur le côté. Au dehors, l'État italien les a armés autrement. Ils portent des pistolets mitrailleurs. Ils se sont entraînés des semaines et des semaines au tir instinctif. Nuit et jour, ces carabiniers se relaient afin de protéger les juges d'instruction devenus les ennemis mortels des hommes d'honneur. En Sicile, explique le doyen des juges d'instruction du tribunal de Palerme, le conseiller Rocco Cinici, l'État se résume à une poignée d'hommes assiégés. Il suffit de sortir de ce bunker, d'aller dans les ruelles misérables où tout le monde est racketté, de se promener au milieu de cette foule désœuvrée et désespérée, là où un tueur à gages ne coûte que quelques lire, pour comprendre combien peut être seul aujourd'hui celui qui lutte contre la mafia. Le conseiller Cinici n'est pas dupe de sa décision quand, à la tête des magistrats palermitains, il entreprend sa croisade anti-mafia. Et il aura bientôt l'occasion d'apprécier la justesse de ses propos, une occasion définitive. Début de l'été 83, à Palerme. Ils sont probablement quelques-uns, réunie au cours d'une séance de direction, a décidé de l'avenir du conseiller Rocco Chinichi. Et celui-ci n'est pas une cible facile. Comme tous les magistrats, il est entouré d'une demi-douzaine de gardes du corps et qui plus est, il limite au maximum ses déplacements. Le 29 juillet, à 8h08, alors que le conseiller sort de chez lui, un véhicule piégé au moyen d'une cinquantaine de kilos de TNT explose. Le magistrat, trois de ses gardes du corps et le concierge de l'immeuble sont tués sur le coup. Pour les juges d'instruction du tribunal de Palerme, le signal est clair. Après la mort du conseiller Chinichi, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Cela fait à présent 4 ans qu'ils harcèlent les hommes d'honneur. Cosa Nostra vient d'éliminer le principal, elle peut en faire autant pour chacun d'entre eux, à l'heure à laquelle elle le décidera. Sans illusion, les juges renforcent la sécurité à l'intérieur du palais de justice et s'enferment dans leur bureau blindé. C'est quand ils reçoivent leurs informateurs qu'ils peuvent rompre un instant leur isolement. De tous les juges du palais, il en est un plus redouté que les autres par les mafieux de la ville. Giovanni Falcone. Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì, indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy. Questo non c'è dubbio. J'ai rencontré deux fois au palais de justice de Palerme. On l'a rencontré dans le palais de justice, il fallait passer un premier sas, puis un deuxième, puis pour arriver à son étage, on passait devant deux gardes de corps hein, qui n'ont pas accepté de se laisser filmer parce qu'il est bien évident que tout son entourage était toujours exposé au plus grand danger. En 1988, Claude Goretta tourne « Les ennemis de la mafia ». Les pressions se font sur les gardes du corps, sur tous les gens qui sont autour de ces hommes de grand courage. Il est bien évident que la vie d'un homme comme Falcone est une vie de reclus, une vie d'isolé, d'homme qui ne peut pas avoir une vie normale, qui ne peut pas avoir de famille, puisque on l'avait demandé à l'université de Palerme de donner des cours sur la mafia, ou en tout cas un ou deux exposés. Les parents des élèves avaient refusé, indiquant que c'était trop dangereux pour leurs enfants. Bon, ce qui m'a toujours frappé, ce qui finalement m'a poussé à rencontrer un des hommes les plus courageux de la société internationale, c'est d'essayer de comprendre comment on peut s'engager dans une lutte aussi terrifiante. Ce qui le faisait agir, c'était un immense sens de la démocratie. Il estimait que la mafia était un chancre de la démocratie et qu'il fallait lutter contre tout ce qui empêchait une vraie démocratie, une vraie dignité, puisque il n'y a pas de dignité avec une organisation aussi violente, dans la mesure où c'est la loi du silence, comme tout le monde le sait. L'homme ne peut pas s'exprimer. Une vie bien étrange pour cet homme au regard si doux. Une vie faite de ruptures permanentes, de changements de programme, changements de domicile, changements de voiture, changements de trajet, changements de voyage, changements d'horaire dans les déplacements. Un homme qui vit à la dernière minute, en permanence, en marge de toute normalité. Car Falcone, sicilien d'origine, s'est plongé comme personne dans l'univers de la mafia. Un univers de codes à déchiffrer. On prend une image sainte, l'image d'un saint dessiné sur un papier. Tommaso Buscetta, le plus célèbre repenti de la mafia. On se perce le doigt d'une aiguille, on tâche l'image avec son sang. On allume le papier et on vous le place brûlant dans la main tandis que vous prononcez le serment. C'est à peu près ceci. Si je trahis cette organisation, que ma chair brûle comme cette image. Falcone a retenu le mot du général Della Chiesa s'adressant à ses hommes. Pour comprendre les terroristes, il faut vivre comme eux. et ne pas les mépriser. Les considérer comme des adversaires avec lesquels il faut se battre impitoyablement. Falcone a compris cela et l'applique. Il a compris également que le seul moyen de combattre les hommes d'honneur est de les frapper au portefeuille. Depuis la saisie à l'aéroport de Palerme d'une valise contenant 600 000 dollars, les enquêteurs italiens ont compris que Cosa Nostra s'est depuis peu tournée vers de nouveaux revenus. Comme il est loin, le temps du racket auprès de chaque commerçant, de chaque quartier palermitain, le temps de la spéculation immobilière et de la contrebande de cigarettes, le temps des scunizzo. Et come mangi? Beh, sto in mezzo alla strada, quando non avevo soldi. Pour manger, quand je n'ai plus d'argent, j'arrête les passants dans la rue et je les conduis chez les femmes. Ça me fait des petits pourboires. Pour le moment, je me débrouille, je cire des chaussures. Quand j'étais plus petit, je courais les rues pour ramasser des mégots. Maintenant, ça va mieux. J'ai une boîte de cirage. Dove dormi? Sopra una scaggiola. Je dors sur les trottoirs. E come mangio tutti i giorni? Beh, diciamo, quando esce la giornata buona. Pour manger, quand il fait beau, je travaille. Quand il pleut, je vais à la cantine. Arrange per la casera. Perché sono i suoi progetti? Beh, posso... Mes projets, ben, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'espère trouver du travail, fonder une famille. Credo che lei aiuta la sua madre, no? Sì. E come fa quanto guadagna tanto poco? E quando guadagna tanto poco, poco per me. J'aide ma mère en partageant ce que je gagne. Quand je gagne plus, ça fait un peu plus pour chacun. Vingt ans après, les gamins des rues ont grandi. En 1980, la vie les a affranchis. Ils sont à présent dans le trafic de drogue. Ils appartiennent à une structure fortement charpentée. Tel groupe mafieux se définit d'abord dans son type de recrutement par « on recrute autour de soi ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un secret à préserver. Pascal Auchelin, journaliste. Et donc, dans la famille, c'est la meilleure manière de se couvrir, disons, de la diffusion de l'information. On pense, les Italiens, par exemple, la mafia sicilienne, diffuse ses secrets au sein de sa propre famille, c'est-à-dire ne les diffuse pas, précisément. Ils savent, sans savoir, que le père ou l'oncle ou le grand-père est de telle appartenance, et le petit-fils ou le neveu n'aura aucune difficulté à y adhérer. Il y a ensuite un acte que Coppola, dans... Le Parrain 3, je crois, formidablement bien mis en lumière, c'est l'acte de sang. C'est-à-dire que c'est un choix. Et c'est un lien de sang qu'on refait. C'est comme un baptême qui fonde, qui cimente le lien de parenté. Et puis, il y a un troisième critère qui, lui, est géographique. C'est-à-dire que est mafieux quelqu'un qui aura la possibilité d'apporter quelque chose dans un territoire donné. Soit de renforcer les troupes lorsqu'on parle de la mafia classique palermitaine ou napolitaine ou milanaise, dans un quartier pour le racket, il faut avoir une vision fonctionnaliste. À quoi sert tel ou tel nouveau membre ? Donc, il a un rôle à jouer dans un territoire. Prenons la mafia palermitaine au fond. Elle a travaillé d'abord sur la contrebande, ensuite sur le racket, etc. Elle a épuisé les formes classiques territoriales dont elle pouvait trouver les ressources à l'intérieur de son territoire. Et maintenant, la mixité ou la notion de réseau devient de plus en plus importante parce que, au fond, tous les marchés classiques ont été épuisés et sont consommés, ne rapportent pas assez en regard de ce que l'internationalisation du crime va rapporter. Si vous voulez, La contrebande de cigarettes a été dépassée au moment où son chiffre d'affaires était insuffisant pour nourrir le clan. À ce moment-là, on a passé à l'héroïne. Selon les estimations de la Drug Enforcement Agency américaine, la mafia réalise sur chaque kilo d'héroïne qu'elle envoie à New York 250 000 dollars de bénéfices. Au bas mot. Le calcul est ainsi fait. En coupant un kilo d'héroïne, on obtient 33 000 doses, soit 1,5 million de dollars. Chaque kilo en fournit 6 ou 7 pour la vente dans la rue. Le bénéfice est astronomique. Ce que Tom Angioletti de la brigade des stupéfiants confie à l'autre bout de la chaîne, un dealer, comme Sal Polizzi, le confirme de la même façon. En 2 ou 3 jours, on peut se faire 75 000 dollars. Avec le kilo à 250 000, on peut se faire 4 millions en 15 jours, même si on se limite à de petites doses. Tout cela représente d'incroyables sommes d'argent chaque année. Au début de ce nouveau marché, les hommes d'honneur, insouciants, placent leurs narcodollars sur leur compte en banque quand ils ne payaient pas directement leurs achats avec une poignée de billets verts à l'effigie de George Washington. C'est le juge Falcone qui s'aperçoit le premier du parti qu'il peut tirer de l'étude de certains comptes bancaires, de certains hommes d'honneur et des capitaux qui y transitent. Dès lors, 24 carabiniers vont se relayer nuit et jour afin d'assurer la protection rapprochée de Giovanni Falcone. À Palerme, l'homme devient un mythe. La légende veut que toute la ville est informée de la vie sentimentale du juge. Ainsi, chaque fois qu'il visite sa fiancée, le quartier est placé en état de siège. Et chaque fois qu'il part nager, ce sont des vedettes de carabiniers qui patrouillent au large dans le même secteur. Giovanni Falcone est un homme prisonnier. Prisonnier de son engagement, ses vacances en sont un reflet. Il les passe sur l'île de La Cinara, une sorte d'île du diable à l'italienne, située au large de la Sardaigne, où se trouve, ça ne s'invente pas, une prison réputée de haute sécurité. Trafic RTS. Sur le contournement de Lausanne, un accrochage est signalé sur la voie de sortie de Crissier en provenance de Genève. Prudence à l'approche de ce secteur. Histoire vivante, cette semaine, Cosa Nostra. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. Le 23 mai 1992, Giovanni Falcone, qui vit à présent à Rome, où il doit prendre la direction nationale anti-mafia, revient chez lui à Palerme. Il voyage à bord d'un avion des services secrets. 4 mois auparavant, dès que la Cour de cassation a confirmé les condamnations du maxi-procès de Palerme, les chefs de Cosa Nostra, réunis au sein de la commission, ont pris la décision pour se venger de le tuer. Sur le tarmac de l'aéroport, c'est toujours le même décor qui attend le juge Falcone. Des carabinieri en armes, une voiture blindée. Docteur Falcone mi chiamò alle 7 di mattina. Le docteur Falcone m'a appelé à 7 heures du matin chez moi pour me donner son heure d'arrivée le jour même. Per la giornata stessa. Lui puntualissimo. L'aereo è atterrato alle Giuseppe Costanza est le chauffeur de Giovanni Falcone. L'avion est arrivé à 17h45. Il était accompagné de sa femme, la doctoresse Morvillo. Il a voulu conduire lui-même, parce qu'elle avait souvent mal au cœur. Elle n'était pas bien quand elle était assise derrière. Elle s'asseyait à côté du conducteur. Il s'est donc mis au volant et on s'est dirigé vers la route de Palerme. À un moment, je lui ai dit, quand nous serons arrivés à la maison, s'il vous plaît, rendez-moi mes clés, comme ça, moi, lundi, je pourrai reprendre la voiture. In quel moment, ha fatto qualcosa che io non mi sarei mai aspettato. Et à ce moment, il a fait quelque chose à laquelle je ne me serais jamais attendu. Mentre la macchina il a retiré les clés pendant que la voiture roulait. Du coup, la voiture a ralenti parce que quand une voiture roule et qu'on coupe le contact avec une vitesse enclenchée, la voiture ralentit. La voiture qui nous précédait a pris de l'avance et c'est donc elle qui a fait sauter la bombe. C'est eux qui se sont pris la bombe. L'allarme, bombe. Sono stati loro a prendersi la bomba praticamente. La bomba non ci ha preso in pieno facendoci saltare in aria. La bomba non nous a pas pris e non nous a pas fait sauter en l'air. Siamo andati ad urtare, quindi contrairement à l'autre voiture, mais on a heurté l'onde de choc qui a fracassé toute la partie avant de la voiture, entraînant la mort du juge Falcone et de sa femme. Parce que l'impact le plus violent, c'est eux qui l'ont eu. Moi, j'étais assis sur le siège arrière, j'ai été sauvé. Mi sono salvato. Pour assassiner le juge Falcone, les criminels, des terroristes mafiosi, le terme est du président par intérim de la République, Giovanni Spadolini, s'est précipité à Palerme, n'ont reculé devant rien, tuant des automobilistes de passage, au moins deux, éliminant l'escorte du juge. Marie-Delphine Bonada, correspondante de la radio suisse romande en Italie. La quantité d'explosifs qui avait été placée dans une conduite qui traverse l'autoroute était telle qu'un cratère d'un diamètre de 10 mètres s'est ouvert après avoir fait gicler des voitures, des blocs de pierre, des gravats. Toute une partie de Palerme est bloquée. L'accès à l'autoroute est interdit pour laisser passer les ambulances chargées de blessés et les voitures de police. Le juge Falcone est mort et avec lui le cerveau de la lutte contre la mafia, contre les trafiquants internationaux de stupéfiants, contre ceux qui recyclent des narcos de l'art. Même si Giovanni Falcone avait abandonné la lutte au tribunal de Palerme pour diriger le ministère de la justice à Rome. À Rome où l'on relevait qu'une fois de plus, un attentat de cette gravité survenait à un moment politique extrêmement délicat. Non pensavo che si riuscisse a fare una cosa del genere. Cioè non pensavo. Je ne pensais pas qu'on arriverait à faire une chose pareille. Le policier Francesco Gratteri. Si pensasse. Je ne pensais pas qu'on puisse penser faire sauter une route pour tuer quelqu'un. C'est d'une cruauté qu'aucun adjectif ne peut qualifier. Pour moi, une des personnes les plus chères que j'avais au monde était morte. Hilde Boccassini, procureure adjointe du juge Falcone. À ce moment, je n'ai pas eu de réaction. Je me suis sentie dépossédée. Je me suis sentie frappée par une douleur immense que je n'arrive pas à qualifier. Blessée à mort, je me suis sentie blessée à mort. J'ai réagi d'une manière passionnelle. J'ai réagi comme une femme, je ne sais pas. Ils ont eu du mal à me porter en dehors de la morgue. Réellement, ils ont eu du mal car je ne voulais pas les quitter. Fatica a portarmi via dall'obitorio, veramente fatica, perché non volevo lasciarli soli. C'était Un homme indésirable, une réalisation de David Golan. Marcel Padovani, en 87, vous faites paraître votre premier ouvrage, je crois, sur la mafia. Oui, les dernières années de la mafia, oui. Et 5 ans plus tard, vous remettez le couvert, passez-moi l'expression, avec un autre livre, Cosa Nostra, et deux noms apparaissent sur la couverture, le vôtre et celui de Giovanni Falcone. Dites-moi un mot sur cet homme. C'était un homme assez étonnant. C'était un homme qui exprimait le mieux de la sicilitude, c'est le meilleur de la sicilitude, c'est-à-dire cette volonté cartésienne de résister, de trouver une logique aux choses, de s'aligner du côté de la raison et du côté du droit et du côté de l'État, même quand l'État n'est pas là et quand l'État ne le mérite pas. Donc c'est un personnage, presque d'une abstraction parfaite, qui a réussi concrètement cette fois à être l'ennemi numéro un de la mafia, celui qui l'a combattu le mieux, parce que c'était celui qui la comprenait le mieux. Vous avez fait dans votre parcours, dans votre cursus, des études de philosophie. Est-ce que quand vous avez eu l'occasion de côtoyer ce personnage, vos études de philosophie vous sont remontées dans la tête ? Un petit peu, parce que c'était quelqu'un de très, très, très réservé, très méthodique, très pointilleux, qui attachait une très, très grande importance aux apparences, c'est-à-dire tout ce qui apparaissait devait être chargé de signes. Et moi, il me faisait penser, quand je l'écoutais, je pensais souvent à Spinoza ou à Heidegger. Je pensais à ce besoin de rationalité parfaite et à ce besoin de donner un sens aux signes, aux messages, au silence, à tout ce qui, pour nous, humains, normaux, est presque imperceptible et qui, pour lui, était riche de signification. Vous êtes à quel endroit quand vous apprenez la mort de Giovanni Falcone ? Je suis à la campagne, en Ombrie, et je suis en train de lire, le téléphone sonne, et le directeur de l'UNITA, qui était Walter Veltroni à l'époque, m'appelle pour me dire « Est-ce que tu nous fais un papier ?» Et je dis « Mais sur quoi ?» Et il me dit « Falcone il était 7h de l'après-midi, je laissais tomber le téléphone et même si je m'y attendais parce que c'était quelque chose qui était pratiquement inévitable, je crois que j'ai eu le sentiment de quelque chose qui s'effondrait vraiment. Demain, la suite de cette évocation des procès anti-mafia dans la perspective du nouveau film de Marco Bellocchio, Le Traître, Il Traditore, actuellement dans les salles de cinéma. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch.